Comment le pragmatisme de John Dewey peut-il nous aider à repenser l'école ? Comment la réflexion du philosophe américain sur l'enseignement de la coopération à l'école pourrait-elle nous aider à organiser l'école en contexte de crise au hasard dans un contexte de pandémie ? Le mot-clé pour John Dewey, c'est l'expérience. Expérience et démocratie, expérience et éducation. Alors on commence avec une question posée par Jimi Hendrix. Are you experienced? If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I have. I know, you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and can't be sold? So, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Et oui, c'est ce genre de chansons qui peuvent rendre le confinement heureux. Bonjour Joël Zask. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes avec nous depuis Marseille. Comment la spécialiste de John Dewey que vous êtes comprend-elle cette question de Jimi Hendrix? Are you experienced? Avez-vous de l'expérience? Et voilà, c'est tout le problème. On n'a pas vraiment le mot exact pour dire experienced en français. On n'est pas expériencié. Enfin, ouais. Certains utilisent ce mot. Et c'est déjà un premier constat qu'on peut faire. Être expérientiel, avoir de l'expérience, c'est très différent, parce que avoir de l'expérience, c'est comme si l'expérience nous arrivait de l'extérieur et qu'elle venait se loger en nous, alors que dans l'expression anglaise, on voit bien la corrélation entre le fait d'être actif et le fait de recevoir, en fait, ou le fait de recevoir et le fait de développer une action consécutivement à ce qu'on a reçu. Et c'est justement ça, l'expérience. Alors Hendrix, je le trouve très dewayen, ou pragmatiste d'ailleurs, dans cette chanson, parce que en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'expérience, c'est justement la jonction entre quelque chose qu'on reçoit de l'extérieur et quelque chose qu'on fait. Et d'une part, et d'autre part, que ça ne peut être qu'en première main, en quelque sorte. Et enfin, au début de la chanson, il parle du coucher de soleil dans l'océan, si j'ai bien compris. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'expérience d'absolument tout le monde. Et en même temps, tant qu'elle n'est pas faite à la première personne, si moi je ne fais pas l'expérience du coucher de soleil, eh bien, d'une certaine façon, je n'en saurai jamais rien. Je n'en saurai jamais rien qualitativement. Il n'y aura jamais rien du coucher de soleil qui viendra se lover en quelque sorte dans les détails de ma personnalité et l'alimenter. Et je crois que ça, c'est vraiment important. C'est peut-être la première chose à dire de l'expérience. Et John Dewey a énormément insisté là-dessus. C'est pas quelque chose qui peut être vécu par d'autres pour vous. Ça n'est pas quelque chose qui peut être donné de l'extérieur. Soit l'expérience est mon expérience, soit c'est pas du tout une expérience. Mais c'est ça. Mais ça rend le concept extrêmement difficile d'un point de vue philosophique, parce que s'il n'y a jamais d'expérience que personnelle, alors que peut-on dire en général sur l'expérience? Mais justement, l'expérience personnelle n'est pas l'expérience subjective, individuelle, idiosyncrasique. Alors c'est là-dessus qu'il faudrait partir. Ouais. C'est-à-dire que l'expérience, justement, elle met l'individu et sa capacité d'individualisation en relation avec le monde extérieur. Et c'est parce que nous créons des relations actives avec le monde extérieur que notre individualité se construit. Et en même temps, c'est parce que notre individualité se construit que le monde, d'une certaine façon, porte un peu la trace de nos activités. Et du coup, existe autrement que si nous n'avions pas été là du tout. Ce qui pose un problème démocratique, évidemment, hein, crucial. Et pourquoi ce concept d'expérience occupe-t-il une place si importante dans la philosophie américaine? Puisque si on remonte dans le temps, au début de la philosophie américaine, dans un texte du philosophe Ralph Waldo Emerson, au milieu du 19e siècle, il y a un texte qui s'appelle déjà « Expérience ». C'est une question qui se pose beaucoup pour lui. Qu'est-ce qu'il y a de proprement américain dans l'importance de ce concept? Je crois que si on commence, parce que la notion d'expérience, elle remonte, c'est vrai qu'elle est très présente dans la philosophie anglo-saxonne et notamment dans l'empirisme classique, on va dire, sensualiste, qui est plutôt une théorie de la réceptivité et non de l'action ou de l'action intellectuelle. Mais avec Emerson, je crois que ce qui se met en place, c'est l'idée qu'il faudrait que la vie américaine trouve sa propre philosophie, que les Américains développent ce qu'ils appellent, ou ce qu'on appellera ensuite l'américanisme, qui est pas du tout un nationalisme, qui est plutôt une manière de faire de la philosophie qui serait ajustée au contexte américain, qui est un contexte très très particulier, puisque c'est un contexte multiculturel, c'est un contexte exploratoire, bon, enfin, c'est un contexte historique vraiment très, très différent, qui se pense justement comme nouveau monde, même si on peut remettre tout ça en question aujourd'hui, qui se pense comme nouveau monde par rapport à un ancien et qui, par ailleurs, est ancré dans ce que Habermas va appeler un patriotisme constitutionnel, qui est très, très puissant dès le départ. Et donc, quelle est la philosophie qui conviendrait justement à, disons, au peuple américain, qui serait pas la pure et simple continuation, reprise ou transgression de la philosophie du vieux monde, de la philosophie européenne. Et la réponse, c'est l'expérience. Ça, je crois que c'est vraiment très très particulier, la philosophie américaine, c'est une philosophie de l'expérience. John Dewey reprend à son compte l'importance du concept d'expérience. Il en introduit un autre, et c'est plutôt à ce second qu'on l'associe, c'est celui de pragmatisme. Alors, pour expliquer peut-être ce qu'est le pragmatisme, avant de rentrer dans la question du lien entre démocratie et éducation, présentons en quelques mots Dewey quand même. Joël Zask, hein, il naît en 1859, il est mort en 1952. Il arrive dans un contexte intellectuel très marqué par la publication de L'origine des espèces de Charles Darwin, et ça va beaucoup influencer la mise en œuvre de sa propre philosophie. Il a énormément écrit. On a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de volumes de 400 à 500 pages chacun sur lesquels vous travaillez, j'imagine. Comment est-ce que vous définissez le pragmatisme? Est-ce qu'on a raison d'associer la philosophie de Dewey au pragmatisme en premier? Il y a eu plusieurs pragmatismes et plusieurs époques du pragmatisme, et c'est vrai que les auteurs dits pragmatistes forment plus une famille qu'une tribu ou qu'une école. Mais peut-être le point commun qui est très présent chez Peirce et Dewey, c'est ce qu'ils vont appeler tous les deux la considération des conséquences. Ouais. Et du coup, ça se relie très bien à l'expérience. C'est-à-dire que le pragmatisme est une philosophie qui n'interroge pas les causes ou les raisons des phénomènes, mais leurs conséquences, lorsque nous agissons sous la conduite des idées, d'où qu'elles viennent, en fait. Et finalement, le conséquentialisme de cette philosophie est quelque chose qu'on peut prendre en considération aussi si on veut penser effectivement l'évolution des espèces, l'évolution des sciences expérimentales de la nature et choses de ce genre. C'est extrêmement heuristique. En fait, par exemple, du point de vue moral, est-ce qu'une action est bonne du point de vue de ses conséquences ou est-ce qu'elle est bonne du point de vue de ses intentions? Je crois que c'est des questions cruciales. Alors, d'un point de vue pragmatique, je dirais, moi, pour savoir si une action est bonne, je vais voir un peu les effets qu'elle produise lorsque un tel agit avec tel ou tel principe dans la tête, telle ou telle intention, y compris intention de bien faire, parce que ces intentions de bien faire, ça on le voit bien aujourd'hui avec la pluralité justement des intentions et puis des croyances dans lesquelles elles se logent, c'est très problématique en fait. Et donc il en va de même de la connaissance, hein. Chez Peirce, c'est très développé, c'est-à-dire qu'une idée même qui serait savamment déduite de tout un corpus de principes, de premières causes et de causes secondaires, à partir du moment où, lorsque on la met en œuvre dans un raisonnement ou dans un complexe expérimental, elle donne rien, c'est que voilà, qu'il y a un problème, quoi. Et je crois que c'est ça, le pli pragmatiste, c'est non pas d'en finir avec le régime des intentions, des principes, des raisons, etc., mais de les prétendre réformables, amendables, voire récusables en fonction des conséquences qu'elles produisent quand on les active, la pratique. Est vrai ce qui est utile ou efficace? Alors moi, je dirais pas utile ou efficace, mais c'est ce qui marche, comme dit Dewey. Ce qui marche. Ouais, ça marche. Ça marche. Alors, ça ne veut pas dire que c'est utile parce que ça, c'est restrictif. Ça ne veut pas non plus dire que c'est efficace. Ça aussi, c'est restrictif parce que, par exemple, dans l'art, on n'a ni utilité ni efficacité, mais ça marche. Et ça veut dire ça quoi, marche, ça au marche. Sens où, ça accomplit l'expérience comme expérience. Ça, c'est le terme de, très connu de, du ouais, ça marche. Et c'est pareil dans les sciences, hein. Je pense que l'utilité ou l'efficacité, et... voilà, c'est pas productiviste, l'expérience. C'est juste que, en fait, une disons, le critère de l'expérience fait que, on ne peut considérer finalement quoi que ce soit, quelques conséquences que ce soit comme, conclusive, que si d'une part elle complète l'expérience, qui est en cours, en tout cas qui l'a généré, et d'autre part, si, alors ça, ça serait un autre critère que dans le pragmatisme, aussi bien chez Peirce et Dewar, on appelle le critère de la continuité des expériences, et tout le monde peut en faire l'expérience, justement, si cette expérience débouche sur d'autres expériences, au lieu, comme dirait Peirce, de fermer la voie de l'enquête. Ça, c'est le pire. Quand une expérience est finale, c'est la mort, quoi, c'est fini, il n'y a plus rien. Et donc, une expérience qui ferme la voie, qui ferme la route, c'est pas une bonne expérience. Il faut la reprendre ou la rejeter. Mais un mot encore sur ce « ça marche », parce que justement, vous dites face à un tableau, la personne qui se dit « tiens, ce tableau, eh ben, il marche », est-ce qu'on est face à ce que Kant appelle le sens commun, justement, qui fait qu'on arrive à trouver quelque chose de beau, mais sans concept, on peut pas le définir, mais on sait qu'il plaît à tout le monde, il y a quelque chose à tendre là ? C'est pas... Enfin, oui, il y a ça. Effectivement, un tableau qui marche, c'est un tableau qui nous met en marche. Enfin, j'ai envie de dire, c'est-à-dire c'est un tableau dont les éléments constitutifs, ça peut être aussi son exposition, son format, les tableaux en compagnie desquels il se trouve, le lieu dans lequel on le rencontre, etc. Tout ça, ça nous met en marche. C'est-à-dire que tout ça a une cohérence telle que ça produit une infinité d'expériences possibles, ou en tout cas un nombre d'expériences en nombre, enfin disons indéfini. Et je crois que c'est peut-être une des vertus de l'expérience. C'est pareil à la paillasse d'ailleurs dans les labos, c'est que une bonne expérience, c'est une expérience justement qui est féconde au sens où elle donne plein d'idées à plein de gens en fait. Ouais. Et le tableau en tant qu'expérience, c'est justement disons un événement qui va propulser ou qui va déclencher un nombre, autant d'expériences qu'il y a d'individus dans une certaine mesure. Ça aussi, c'est très démocratique. C'est-à-dire l'idée que, en fait, par exemple, un objet qui va produire la même expérience en tout le monde, voire qui produit rien comme expérience chez personne, c'est vraiment pas de l'art du tout. Donc, on peut dire que la capacité d'un tableau à entrer dans une universalité ou à générer une universalité et pas du tout celle d'une réitération, mais celle de, comme disait Walzer, d'un recoupement. C'est-à-dire que chacun peut faire l'expérience d'un tableau. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a déjà un moment, mais j'ai vu pour la première fois la Joconde. En me disant, alors il y avait tout un dispositif assez compliqué en fait qui permet pas vraiment d'entrer en contact très simple. Mais il se trouve qu'il y avait personne ce jour-là et j'ai vraiment fait l'expérience du tableau comme jamais. Enfin, c'était incroyable et la connaissance de, enfin, savoir que des millions de gens avaient fait cette expérience et que chacun en avait tiré quelque chose en propre m'a énormément touché en fait. Je trouve ça très touchant. Alors, quel type d'expérience propose l'école, devrait proposer l'école ? À quel moment peut-on dire que à l'école, ça marche ? On va essayer d'explorer ensemble la réponse de John Dewey. Vous allez aussi calculer la pression qui s'exerce sur les parois du bathyscaphe à 150 mètres de profondeur. Silence ! C'est très facile, faites pas semblant d'être plus nul que vous l'êtes. Il n'y a qu'à appliquer le principe d'Archimède. Archimède, qu'est-ce qui nous prouve qu'il a existé, Archimède ? Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. N'empêche que Archimède, on ne sait pas si... De la part d'Archimède. Le mobilier et l'organisation matérielle de la salle de classe habituelle s'opposent à l'existence de situations réelles d'expérience. Qu'y a-t-il là qui ressemble aux conditions de la vie de tous les jours et qui soit de nature à engendrer des difficultés ? Presque tout atteste le prix que l'on attache à ce que l'élève écoute, lise et reproduise ce qu'il entend et lit. Il est difficilement possible de surestimer l'opposition entre ces conditions et les situations de contact effectif avec les choses et les gens à la maison, sur le terrain de jeu, dans l'accomplissement des devoirs de la vie de tous les jours. La plupart ne sont même pas comparables avec les questions qui peuvent naître dans l'esprit d'un garçon ou d'une fille quand ils bavardent ou lisent un livre en dehors de l'école. personne n'a jamais expliqué comment il se fait que les enfants aient tant de questions à poser en dehors de l'école, à telle enseigne qu'ils empoisonnent la vie des adultes si on les encourage en répondant, et témoigne une absence totale de curiosité concernant l'objet des leçons à apprendre pour l'école. Si l'on réfléchit à cette opposition frappante, on comprendra qu'habituellement, les conditions scolaires ne fournissent pas un contexte d'expérience dans lequel les problèmes se posent naturellement d'eux-mêmes. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de transmission cette semaine en partenariat avec le festival Cité Philo qui devait se tenir à partir du 5 novembre prochain, qui aura lieu partiellement de manière virtuelle sur le site internet. C'est les émissions que vous allez entendre cette semaine en direct en studio de Radio France. Eh bien, devait être enregistrée à Lille le week-end prochain. Ce matin, je suis en compagnie de Joëlle Zask, la philosophe qui enseigne à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste de John Dewey. Et nous parlons des liens entre l'école et la démocratie. Est-ce que la démocratie s'apprend à l'école? Et le texte que je viens de lire, Joëlle Zask, non seulement contraste avec l'extrait du film qu'on a entendu juste avant, un extrait du film Prof de Patrick Schulman qui date de 1985, qui a nourri l'imaginaire de beaucoup de personnes issues de cette génération-là. Non seulement, en effet, il contraste avec cet extrait, mais en plus, il affirme il montre comment Dieu réfléchit sur l'école. Il montre que ce qui se passe à l'école est complètement coupé de ce qui se passe en dehors de l'école. Et c'est peut-être dans la configuration de la salle de classe elle-même que peut se loger la solution à la possibilité d'une reconception de l'école qui soit plus en phase avec le monde dans lequel nous vivons. Oui, tout à fait. C'est très important d'insister justement sur l'architecture de la salle de classe, mais aussi sur l'architecture de l'école et peut-être même sur l'architecture de la ville, comme je le fais plus récemment dans mon travail. Mais de fait, on comprend très bien que l'architecture de la salle de classe, le mobilier, son organisation interne, son design, comme on dit aujourd'hui, réduisent l'élève à l'impuissance. Et je crois que c'est important de penser l'expérience justement comme ce milieu entre l'impuissance dont il est question là dans ce texte et aussi dont parle l'extrait, ce à quoi est réduit l'élève en fait, c'est ouais. D'appliquer des leçons toutes faites, d'appliquer un théorème, voilà. Et donc d'un côté vous avez l'impuissance et puis de l'autre vous avez l'agitation. Et en fait l'agitation, c'est-à-dire l'action qui se solde par aucune conséquence qui puisse être appropriable, rapatriable, requalifiable, réinjectable dans une expérience future. Donc entre l'impuissance absolue et l'agitation, ben, on a vraiment quelque chose qui dénote l'école telle qu'elle est organisée traditionnellement. Mmh. C'est-à-dire des élèves immobilisés à leur place face à une parole qui est censée venir s'intégrer dans leur cerveau et s'y loger un peu comme une pièce de puzzle dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'ils arrivent complètement de l'extérieur et puis après, quand on les lâche dans la cour, une espèce de frénésie absolue qui se solde d'ailleurs par des niveaux de décibels absolument hallucinants, des gamins qui tournent sur eux-mêmes, qui courent comme des fous pour décharger l'énergie qu'ils ont accumulée. Et je crois que c'est effectivement les deux aspects finalement complémentaires. Qu'on peut extrapoler à bien d'autres situations, mais ces deux aspects complémentaires, l'impuissance d'un côté, le déchaînement qui ne mène à pas à grand-chose, enfin qui mène à rien souvent de l'autre, qui encadre, enfin disons qu'ils sont les deux extrêmes qu'une éducation fondée sur l'expérience ou centrée sur l'élève, comme on le dit dans le pragmatisme, et dans l'école de Dewey, permet en fait, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'une éducation centrée sur l'élève? C'est une éducation qui évite à la fois l'impuissance et l'agitation. Et du coup, ce qui va faire envie à beaucoup de profs quand même qui vous écoutent. Comment ? Ce qui va faire envie à beaucoup de profs qui vous écoutent. Et oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce à quoi on aspire, mais ce à quoi tout le monde finalement se heurte, c'est justement une forme de rigidité institutionnelle, mais qui enfin qui est difficilement dépassable dans la mesure où on a affaire à un environnement concret bâti qui est assez écrasant et qui est tout à fait déterminant. Je crois que l'école, elle ressemble vraiment à une prison. D'ailleurs, enfin c'est le terme même de, voilà, c'est un environnement qui est complètement coupé de la nature, qui est très minéralisé. Alors maintenant, il y a des changements qui affectent cette école, mais qui, par ailleurs, sépare l'école de la ville, qui sépare les enfants des parents, qui sépare les enseignements de la recherche vivante, qui sépare, voilà, et cette séparation, elle vient vraiment se marquer dans l'architecture de l'école et de la salle de classe. Donc effectivement, je trouve ça très important de désasphalter les cours d'école comme ça commence à se faire aujourd'hui. C'est très important de réfléchir à ouvrir les salles de classe les unes sur les autres, en tout cas par moment. C'est très important qu'il y ait des lieux communs dans les écoles et qu'ils soient pas seulement la cour où s'ébattent les enfants remis en liberté. C'est très important qu'il y ait des relations entre les différentes classes, c'est très important qu'il y ait des passages finalement entre les différentes parties qui constituent l'école. Décloisonner, c'était le maître mot d'ailleurs au Black Mountain College, qui était un cycle universitaire aussi où Dewey est pas mal intervenu. Mais je peux penser aussi à une phrase de Maria Montessori, parce que en fait elle est aussi une grande figure de l'école progressiste, et donc qui avait installé un jardin dans son école et qui a repensé entièrement, comme Freinet d'ailleurs, la salle de classe, de manière à ce qu'elle elle soit propice au développement d'une petite communauté démocratique, et qui parlait de la salle de classe comme un lieu, et du jardin pédagogique d'ailleurs, comme des lieux où sédentariser les élèves. Mmh. Et j'aime bien cette idée de sédentariser les élèves, c'est-à-dire... En fait, là, au sens figuré, bien sûr, les sédentariser, c'est justement les rendre capables d'expérience. C'est-à-dire de leur permettre d'anticiper en quelque sorte les conséquences de leurs actions à travers leurs initiatives et de suivre leurs initiatives jusqu'au bout. Et en fait, Maria Montessori a une autre manière de dire ça. Elle dit que quelqu'un qui est sédentarisé, c'est quelqu'un qui a une mission dans la vie. Mais est-ce que Maria Montessori se réclame de l'héritage de John Dewey? Parce que c'est plus compliqué que ça, hein. Non, parce que non, ma connaissance, non, parce que d'abord ils sont, voilà, enfin, il me semble pas qu'il y ait Freinet, oui, mais Montessori, pas à ma connaissance. Voilà. C'est ça, on peut pas dire que Dewey a inspiré toutes les méthodes de pédagogie alternative. Ah non, je pense même qu'il était en phase avec tout un mouvement d'école, je dirais progressiste, ou d'école qui tournait le dos à la fois à l'école très conservatrice, celle qui considère que le cerveau de l'élève est constitué de tablettes vides et qu'il va falloir inscrire le savoir sur ces tablettes vides. Là, c'est une métaphore que d'ailleurs Dewey cite de Helvétius, et qui voilà, à laquelle il s'oppose complètement, parce que justement ce type de méthode exclut l'enfant de la constitution de son propre savoir. Et à partir du moment où l'enfant ne participe pas à la création de sa propre connaissance, eh ben il connaît rien du tout. Mais il y avait un autre extrême, à mon avis, que tous ces pédagogues extrêmement inventeurs et inventifs avaient dans leur ligne de mire, c'est l'école, ce qu'on appelle chicken soup pédagogy, c'est l'école comme laisser faire, ça fait écho au libéralisme, c'est-à-dire que laissons faire l'enfant, supprimons tous les obstacles, l'intervention de l'adulte, les murs de l'école, supprimons tout, laissons-le développer spontanément tout ce qu'il a en lui, et il en proviendra un individu parfait. Et c'est ces deux écueils qu'évitent à la fois Montessori, Freinet et bien d'autres, et John Dewey. Et il y a beaucoup de textes de Dewey, et ça donne aussi, je pense, ça apporte une précision très importante concernant l'expérience. C'est que disons que l'expérience est une manière de faire, mais c'est aussi, pour qu'il y ait cette manière de faire, il faut qu'un matériau soit apporté. Il faut que quelque chose qui se connecte avec la capacité d'expérience de l'enfant soit apporté de l'extérieur. Et c'est là qu'on touche vraiment à la question de la démocratie à l'école. C'est-à-dire que un enfant livré à lui-même, c'est un enfant sauvage. Ça n'est pas, disons, le membre intégrable d'une communauté déjà constituée. C'est quelqu'un à qui, finalement, rien n'a été donné, et donc il ne produira rien en termes de contribution finalement au groupe auquel il se trouve lié. Donc ça n'est pas en abandonnant l'enfant à ses propres facultés que celui-ci va s'auto-éduquer, ça marche pas du tout comme ça. Et l'éducation des choses, pour parler comme Rousseau, elle a des limites, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc quelle est la question de l'école, c'est quels sont les objets, les matériaux, les contenus d'expérience, et on distingue le contenu d'expérience du fait de faire une expérience, mais quels sont ces contenus de l'expérience que les maîtres, les institutrices et les instituteurs, les professeurs vont mettre à la disposition des enfants pour que ils, en s'en emparant, en quelque sorte, ils élaborent leur propre manière de faire. Le sable, c'est très pratique, par exemple. Le sable et les seaux et les pelles, voilà, ça, c'est des matériaux généreux, j'ai envie de dire. Mais, évidemment, le béton l'est beaucoup moins. C'est ma première rentrée de toute ma vie où j'ai pas eu mal au ventre, où j'ai pas vomi. Donc, c'est la première rentrée que j'ai faite sereinement, quoi. C'est vraiment différent des écoles classiques. En fait, ça permet de s'épanouir et ça apprend à s'autogérer. Et c'est hyper important. Effectivement, ce type d'école, pour nous, est importante parce qu'on veut faire la différence et qu'on considère qu'aujourd'hui, le système n'est pas forcément adapté aux enfants. Tu veux bien faire la salle noire avec Arthur, la salle des petits? Qu'est-ce que vous faites là, en fait? On est en train de chercher une tâche à faire aujourd'hui pour Lily parce qu'elle n'avait pas de tâche de ménage. Et les enfants font leur ménage avec nous. En fait, on est tous membres de l'école. Et donc, chaque membre a une tâche à faire par jour. Dans les écoles plutôt traditionnelles, l'enseignement moral est à peu près réduit à zéro. Quant à l'enseignement civique, il est réduit à plus que zéro. Nous pensons que l'école doit remplir son rôle d'éducation morale et encore plus d'éducation civique. Dans la mesure où nous organisons la vie de nos enfants, où nous intéressons à cette vie, où nous leur faisons prendre responsabilité, le travail consciencieux, le travail bien fait, toutes ces choses-là cultivent toutes les belles qualités morales des enfants. Et pour ce qui concerne l'instruction civique, nous faisons l'instruction civique véritable parce que nos écoles ont des coopératives, nos enfants s'administrent eux-mêmes, nous avons des conseils de coopératives, nous avons tout un tas de tâches et de responsabilités, et vous savez, bien souvent dans ces réunions, nos enfants se montrent considérablement supérieurs aux hommes. En tout cas, ils ne sont pas encore des bénis oui-oui, ils savent critiquer, ils savent dire, et nous espérons qu'un jour prochain, ils auront la capacité de remplir leurs devoirs civiques. Vous venez d'entendre la voix de Célestin Freinet, qui a suivi un extrait qui était un reportage au sein de l'école Palochka, qui a été créée à Nîmes en 2018 en s'inspirant librement des thèses pédagogiques de Dewey. Peut-être Joël Zask, un mot sur Célestin Freinet d'abord. Qui était-il? Vous avez déjà cité son nom. Oui, enfin là, j'ai pas mes fiches sous les yeux, donc je vais avoir un peu je voudrais pas donner dans le flou. Non, simplement, c'est pas une biographie exhaustive que je vous demande, hein. C'est peut-être son lien avec Dewey. Non, bien sûr. Apparemment, il y a beaucoup de liens avec John Dewey. Il y a comme une forme de familiarité entre ces deux auteurs. Et Freinet aurait lu Dewey et se serait inspiré d'un certain nombre de ses thèses, et notamment l'aspect psychologique de l'éducation comme accélératrice de sensations, de perceptions, semble quelque chose qui rapproche énormément ces deux auteurs. Il faudrait l'insistance sur la vie morale et la conversion de la vie morale en vie politique, et aussi quelque chose qui rapproche très fortement ces auteurs, mais qui peut-être qui rapproche tous les auteurs qui ont pensé l'école progressiste, l'école de demain, l'école ajustée à une société démocratique et l'école pourvoyeuse d'une société démocratique. Voilà, ouais, c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on s'arrête. Célestin Freinet parlait d'une participation active des enfants à la vie civique. Dans l'extrait qu'on a entendu de l'école Palochka, on entendait à quel point les adultes essayent d'associer les enfants à cette vie-là. Dans quelle mesure est-ce que la démocratie peut s'apprendre à l'école, et est-ce que c'est le but de l'école que d'enseigner la démocratie à l'enfant? Enseigner la démocratie, je ne sais pas, mais la pratiquer, en fait. Ouais. Et dans le premier extrait, ce qui me semble très important, parce que très concret, c'est le fait que les élèves prennent soin de leur environnement. Et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a beaucoup minimisé, ou on a beaucoup négligé les aspects matériels de l'école, y compris son design, son architecture, l'installation de la salle de classe, l'alignement des tables, l'estrade, choses de ce genre sont vraiment vraiment des dispositifs au sens de Foucault extrêmement contraignants. Ce sont des dispositifs qui, voilà, comme je l'ai dit, qui produisent beaucoup d'impuissance et beaucoup d'immobilité, notamment chez les élèves, et qui par contre laissent le professeur ou l'instituteur d'une tâche absolument inhumaine à accomplir, qui serait celle à la fois de maintenir l'ordre et d'enseigner. Et d'ailleurs, soit dit en passant, Dewey a enseigné au lycée et comme il était très gentil, enfin il s'est beaucoup plaint, enfin on le lit dans ses lettres à sa femme, à Alice en particulier, il s'est beaucoup plaint de ce qu'il n'arrivait pas à faire le calme dans sa classe, parce que il manquait d'autorité. Il manquait d'autorité, comme on dit aujourd'hui. Ouais, voilà. Il n'avait pas l'autorité, donc en fait, il était complètement débordé par le brouhaha des élèves à qui il n'arrivait pas vraiment à enseigner, puisque ceux-ci ne l'écoutaient pas. Donc voilà, enfin, disons que le meilleur pédagogue, à partir du moment où il a absolument toutes les charges à accomplir, faire l'ordre, vraiment, etc., en fait, il peut être très très rapidement complètement débordé, et je pense que la tâche de maintenir l'ordre l'emporte finalement sur les tâches pédagogiques assez rapidement voilà, c'est très très problématique, je trouve, aujourd'hui. Ensuite, ce qui me semble important justement, c'est que cette réflexion sur l'architecture de la salle de classe peut déboucher aussi sur une réflexion sur le rôle matériel que les enfants peuvent jouer dans l'école, c'est-à-dire de repenser la citoyenneté comme cette activité aussi qui se peaufine au contact du soin ou de l'entretien d'un environnement commun, voire de la création d'un monde commun. Et je sais que dans toutes sortes d'écoles aux États-Unis, qui sont très inspirées des écoles Montessori, en tout cas en ce qui concerne les écoles élémentaires primaires, de même que partout en Allemagne, en Hollande, aux Pays-Bas, etc., en Angleterre sans doute aussi en partie, les enfants forment des équipes qui prennent soin de l'école à tour de rôle. Je me souviens qu'aux États-Unis, dans les écoles primaires, les enfants formaient des équipes hebdomadaires qui avaient en charge de nettoyer l'école, ou en tout cas d'accomplir une petite tâche, là, comme le disait le premier extrait. Ouais. Ce qui est extrêmement important, parce que du coup, l'école, ça devient leur école, et non un univers qui leur est imposé de l'extérieur. Mmh. Par ailleurs, la mise en relation de l'école avec la nature, il peut y avoir des animaux dans les salles de classe, il peut y avoir des plantes, il faut en prendre soin. Et ça aussi, ça solidarise en quelque sorte l'élève avec son école, il en devient partie prenante. Et en devenant partie prenante, du coup, il développe justement cette relation dialogique avec les choses. C'est pareil avec le jardin pédagogique d'ailleurs. Il développe cette relation dialogique qui me semble absolument nécessaire, même pour penser à la citoyenneté, évidemment, en dehors de l'école. Ouais. Parce que tant que nous, en tant que citoyens, nous nous contenterons de débats, de discussions, comment allons-nous transférer cette préoccupation, par exemple, au domaine de l'écologie, ça marchera pas. En fait, c'est vraiment en ayant la terre sous, enfin, il faut sédentariser, comme disait Montessori, pour penser l'écologie. Sinon, c'est pas en restant dans la tête et dans des liens purement rhétoriques ou spirituels, qui sont évidemment essentiels, mais tant qu'ils ne sont pas, sédentarisés eux-mêmes, ça devient très compliqué, ça reste très compliqué de mettre la citoyenneté au service de ce qu'on appelle aujourd'hui les communs, l'écologie, la question du monde commun, la question justement des infrastructures, du bâti, des environnements qui constituent nos conditions d'existence communes. Pourtant, c'est très compliqué de savoir comment est-ce qu'on peut enseigner la conscience écologique, par exemple, à un enfant, même en l'associant, en l'associant à des expériences, en lui faisant pratiquer. Je veux dire, c'est pas en faisant du jardinage avec des enfants qu'on les éveille à la conscience écologique. Donc là, c'est très compliqué de savoir comment on transmet par l'expérience un souci aussi important que celui de la crise écologique. Ben, je pense que c'est là qu'on touche effectivement à la démocratie dont j'ai assez peu parlé. On y arrive. À savoir que justement, par exemple, en s'occupant du jardin ou en s'occupant de nettoyer la salle de classe ou donner à manger à l'animal ou hamster qui en sont résidents permanents ou en changeant les ampoules de la classe, qu'est-ce qu'on fait en fait et bon, le jardinage est particulièrement prégnant, mais d'une certaine façon, on fait l'expérience d'une responsabilisation et du coup, comment dire, ce que l'enfant est amené à faire, c'est à se mettre en relation avec un certain nombre d'éléments de l'environnement qui constituent, là, en l'occurrence, l'horizon de l'école. Or, cette mise en relation, elle est nécessairement dialogique. C'est-à-dire que l'expérience ne consiste certainement pas à détruire l'objet. Il faut nécessairement que l'objet réponde à la proposition qu'on va lui faire par l'intermédiaire d'un cours d'action déterminé. Ou d'un cours d'action, nous faisons l'hypothèse qu'il est le bon. Et donc, c'est comme quand on plante une graine. Si vous voulez, si l'enfant, il plante une graine et qu'il n'a pas la patience, alors ça, c'est la vertu cardinale chez Maria Montessori, la patience, par exemple. Mmh. La patience d'attendre qu'elle pousse. Et qu'il va la déterrer pour voir où elle en est, il va la tuer. Et les enfants, ils apprennent très vite ça. Enfin, on se souvient tous, je pense, des haricots qu'on faisait pousser entre deux morceaux de coton à l'école. Mais c'était des expériences assez déterminantes, en réalité, parce que justement, ce qu'on apprend en faisant pousser le haricot, même entre deux enfin dans la terre ou n'importe, c'est que il a sa temporalité, il a sa durée et que justement il représente l'altérité, c'est un microcosme autre avec lequel nous entrons en quelque sorte en correspondance et du coup la conservation de ce microcosme que nous avons créé et qui pourtant est empreint d'une logique indépendante de la nôtre, c'est ça l'écologie. Je dirais, j'ai envie de dire, c'est ça la démocratie aussi. Alors précisément, que oui, l'expérience conserve le monde, elle l'augmente, elle l'amende, elle. Alors évidemment, il peut y avoir des ratés. Hein, il ne faut pas être complètement naïf, mais en tout cas, une véritable expérience, évidemment, ça ne consiste pas à lacérer la Joconde, ça consiste justement à la regarder et qu'elle reste pour les autres, augmentée d'une expérience de plus, en quelque sorte. Alors, de quelle nature est le lien entre éducation et démocratie, il faut commencer par définir ce qu'est la démocratie. Et pour John Dewey, c'est bien plus qu'une forme de gouvernement. Écoutez. Le dévouement de la démocratie à l'éducation est un fait bien connu. L'explication superficielle consiste à dire qu'un gouvernement reposant sur le suffrage populaire ne peut réussir que si ceux qui élisent les gouvernants et qui leur obéissent sont éduqués, puisqu'une société démocratique rejette le principe de l'autorité externe, il lui faut trouver un substitut à cette autorité dans la disposition et l'intérêt volontaire. Ceux-ci ne peuvent être créés que par l'éducation. Mais il y a une explication plus profonde. Une démocratie est plus qu'une forme de gouvernement. Elle est d'abord un mode de vie associé, d'expériences communes communiquées. L'extension dans l'espace du nombre des individus qui participent à une entreprise, de sorte que chacun doit rapporter son action à celle des autres et tenir compte de l'action des autres pour donner une direction à la sienne, équivaut à briser ces barrières de classe, de race et de territoire national qui empêchaient les hommes de percevoir la portée entière de leur activité. Une démocratie est plus qu'une forme de gouvernement, écrit John Dewey. Elle est d'abord un mode de vie associé d'expériences communes communiquées. On retrouve ici le terme d'expérience, Joël Zask. Dire que la démocratie est plus qu'une forme de gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est une manière d'être, qu'ont les individus de s'associer, c'est ça? Oui, et de faire des choses ensemble, en fait. Et donc, c'est vrai que la distinction entre la démocratie comme forme de gouvernement et la démocratie comme forme de vie traverse toute l'œuvre de John Dewey. Ça ne lui est pas spécifique. On trouve déjà cette idée chez Jefferson, par exemple, qui est un des pères fondateurs de la démocratie américaine. On le trouve aussi chez Tocqueville, dont les deux démocraties, d'une certaine façon, les deux volumes de sa démocratie en Amérique correspondent justement aux deux versants de la démocratie. Et ce qui est très frappant chez Dewey, c'est sa conscience très vive que la démocratie, disons, qui n'est que politique, est une démocratie extrêmement fragile. C'est une idée aussi qu'on trouve chez Jefferson. Et donc, chez Jefferson, la démocratie, elle commence à la ferme. Et c'est un thème qui est absolument passionnant à étudier. Pourquoi? Parce que justement, le cultivateur, ou le fermier, enfin, ça dépend des traductions. Donc, le cultivateur est justement l'administrateur et le gouverneur de la ferme. et d'une certaine façon avec laquelle il interagit. Tous les éléments de la ferme et le cultivateur forment ce qu'on pourrait appeler un gouvernement, c'est-à-dire un autogouvernement. Et cette dimension d'autogouvernement, elle va se trouver justement dans l'école. Ça me semble absolument déterminant. C'est le self-government dont parle Jefferson, oui. C'est ça ? Donc le gouvernement de soi, d'autogouvernement, ouais. Donc on commence par se gouverner soi-même pour pouvoir vivre ensemble. En fait, on se gouverne jamais soi-même au sens isolé du terme. Ouais. On se gouverne, enfin, ce qu'on gouverne, c'est les relations avec le monde. Et c'est toujours, c'est soi-même en tant qu'on est relié au monde. Sinon, il n'y a rien à gouverner. Et si, à la limite, se gouverner soi-même, ça pourrait vouloir dire quelque chose, ou ça dit quelque chose à partir du moment où on se sent divisé, ce qui arrive très souvent. Oui. C'est-à-dire gouverner ses passions parce qu'elles s'opposent entre elles, ou parce qu'elles s'opposent à la raison, etc. Donc, le gouvernement suppose la pluralité. Et justement, disons que quelle que soit l'échelle considérée, il y a une dimension de gouvernement, ce qu'Aristote disait aussi, il y a un gouvernement dans la famille. Ouais. C'est-à-dire qu'une famille humaine n'est pas une famille d'ours ou un essaim de frelons, c'est-à-dire c'est justement une communauté dans laquelle il y a des notions communes et donc une possibilité de discuter de l'avenir ou des conditions de la vie commune, y compris dans la famille, chez Aristote. Donc je crois que c'est une vieille idée de la démocratie ou de la politia, c'est ce qui constitue le bien-vivre ou la communauté heureuse. En fait, la différence aussi entre la démocratie comme forme de gouvernement et la démocratie comme forme de vie, c'est celle qui oppose la démocratie représentative à la démocratie participative. Mm-hmm. Je crois que c'est important à dire ça aujourd'hui, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a une vertu dans la démocratie représentative et dans les institutions. Il ne s'agit pas d'en finir avec ce modèle, à mon avis, ça joue un rôle. Mais en même temps, quand la démocratie représentative se fait complètement au détriment de la participation, et c'est vrai de l'école, c'est vrai bien sûr des élèves, mais c'est vrai aussi des maîtres ou des institutrices et des instituteurs qui sont sans cesse bombardés d'injonctions qui viennent d'on ne sait où, enfin d'en haut en tout cas, et qui sont soumis à une autorité extérieure. À ce moment-là, tout devient extrêmement compliqué. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la démocratie purement représentative est une démocratie du spectacle, qui réduit le citoyen à observer le pouvoir et à réagir après coup au pouvoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va l'acclamer toujours, mais il peut aussi le critiquer, vituperer, protester, etc. Mais il n'empêche que ce dispositif-là, quelles que soient ses vertus, n'a rien à voir avec le fait de prendre des initiatives et de se gouverner soi-même, de se gouverner sans un maître, comme disait Jefferson. Mmh. C'est-à-dire que la représentation sans la participation, elle devient extrêmement fragile, extrêmement précaire. C'est voilà ce pourquoi on peut parler d'une crise de la représentation aujourd'hui. C'est parce que l'autre versant de la démocratie qui consiste à se gouverner sans un maître, c'est-à-dire à avoir des initiatives, à se sentir une mission dans la vie, comme dit Maria Montessori, à cultiver son jardin, à interagir avec les autres de manière à produire des mondes communs, etc. Du coup, est laissé en plan. Donc moi, il me semble que la démocratie, enfin la participation, qui était l'objectif initial ou la valeur initiale de l'espoir démocratique depuis le XVIe siècle, est absolument fondamentale. Et donc l'école, je dirais, elle est représentative, elle n'est pas participative globalement, et c'est ce contre quoi se battent tous ces... se bat Dewey. Clairement, ouais. Pour lui, l'école, c'est le lieu de... comment dire, de rénovation démocratique de la société. Mmh. Mais alors comment se fait-il que lorsque lui-même a essayé de mettre en œuvre une école, la Dewey School, hein, qui a lieu de 1896 à 1904 à peu près, je crois, ce sont les dates, comment ça se fait que ça a été soldé par un échec de son propre aveu? Comment ça se fait que sa propre réflexion n'ait pas passé le test de l'expérience qui était si importante pour lui? Alors d'abord, j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'une expérience ne dure pas qu'elle n'est pas éclairante. On peut penser à la Commune de Paris, au kibbutz, enfin il y a plein d'expériences comme ça qui sont absolument fabuleuses, ou même, je sais pas moi, les soviets de Trotsky. Enfin, non mais il était déçu lui-même, Dewey, par cette expérience. Oui, mais voilà, mais effectivement, tout le monde, on peut être très déçu, mais le fait est que... Enfin, je crois que c'est important que ce que Guattari appelait les tentatives microscopiques, ou même ces petites expériences qui, elles peuvent être des vrais... des vrais joyaux, en fait, et continuer d'être éclairantes alors même qu'elles ont échoué. Après, Dewey était, je pense que c'était son lien avec sa femme aussi qui a été très problématique, parce qu'en fait, sa femme avait aucune compétence à diriger l'école, elle avait aucune compétence administrative, ni financière, pédagogique, je ne sais pas. Mais elle s'est retrouvée, la directrice de cette école, qui battait un peu de l'aile, qui a été associée à une autre école laboratoire de Chicago. Et du coup, qui a été un peu absorbée par elle, finalement, elle a été démissionnée, si on peut dire, de ses fonctions, et Dewey a pris la mouche, et du coup, il a quitté Chicago, il est parti à Columbia. Bon, donc, je crois qu'il y a eu un problème d'autogouvernement, justement, cet échec, enfin, l'école a quand même duré 10 ans, elle a accueilli plusieurs centaines d'élèves, et je trouve que cet échec doit pas oblitérer l'importance de la Dewey School, puisque aujourd'hui il y en a encore, il y a un certain nombre d'expériences éducatives qui s'inspirent beaucoup des thèses de Dewey, peut-être plus d'ailleurs de la philosophie de Dewey que la Dewey School proprement dite. Oui. Oui, mais justement, cette expérience-là, elle permet de la Dewey School, elle permet de poser la question de l'écart, peut-être, qu'on ne peut pas réduire entre d'un côté la réflexion philosophique, et de l'autre, la mise en œuvre, la pratique, qui était si importante pour Dewey. Peut-être que tout ce qu'il dit sur l'éducation, avec lequel il est difficile d'être en désaccord, au fond, tout le monde voudrait une école dans laquelle les enfants fonctionnent en bonne entente, où l'enseignant à la fois guide l'expérience, mais n'impose pas de manière absolument dogmatique. Peut-être que ce qu'il appelle de ses voeux dans ses écrits, et difficilement, voire impossible à appliquer. C'est là le vrai problème. Pourquoi est-ce que l'école ne ressemble pas à ce qui nous paraît évident ? Ce qui nous paraît évident, une fois qu'on l'a dit, et ça va mieux en le disant d'ailleurs, parce que c'est pas toujours si clair que ça. Et ensuite, je pense que la pensée pragmatiste est une pensée qui donne la part belle au tâtonnement expérimental. Hein, c'est un terme d'ailleurs de Freinet, hein, qu'il aimait beaucoup, le tâtonnement expérimental. Et tout tâtonnement suppose évidemment des échecs, des reprises, des continuités, des discontinuités, des conflits, etc. etc. Donc clairement, il s'agit pas de... Il n'y avait pas un modèle qui a été appliqué de manière malheureuse dans la réalité, c'était pas ça. Mm-hmm. L'idée, il n'y a pas de modèle en fait ici. Il y avait un certain nombre de... Pour la Dewey School, en tout cas, il y avait un certain nombre de principes, et la distinction entre les principes et les règles est importante. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas des règles de fonctionnement. Les principes, c'était d'associer la psychologie, la sociologie, la logique. Et je pense que ça peut donner des clés pour amender le fonctionnement des écoles en général. Après, penser par modèle, c'est effectivement... se heurter, foncer dans l'échec, et je crois que Dewey a pas pris ce risque. Il a pas proposé une école modèle, il a proposé une expérience d'école et un laboratoire, c'est-à-dire une école qui lui permettait aussi de Wittgenstein l'a fait d'ailleurs en tant qu'instituteur, une école qui lui permettait de vérifier ses thèses et de les amender. Il y a un texte de Dewey, moi, qui m'avait beaucoup frappé, qui est assez tôt dans sa carrière, et où il dit finalement j'ai pas fait je m'occupe pas de l'école pour j'ai fait de la philosophie pour alimenter ma théorie de l'école, ma théorie de l'éducation. Ouais. Et c'est-à-dire que la philosophie est le moyen de sa pédagogie et pas l'inverse. Et donc on peut dire que, en tout cas, ce qui a bien marché, c'est que l'école nous a donné des grands textes à lire qui nous éclairent pour plein de choses, et que par ailleurs cette école laboratoire a permis justement à Dewey de préciser un certain nombre de ses thèses et un certain nombre de ses textes. Donc ça met notamment les textes qui portent sur les relations entre la culture, l'expérience et la démocratie, et en cela je pense que à partir du moment où on pense une expérience comme comme expérience, comme laboratoire, et non comme modèle, on peut pas ensuite regretter que ça n'ait pas marché, qu'il n'y ait pas une durée éternelle. Voilà, c'est ça. Parce que ça a marché. De toute façon, ça a marché pendant 10 ans, ce qui est quand même considérable. Mmh. Ça a marché. Par exemple, l'école Montessori, on peut dire que c'est un échec. Non, parce qu'en fait, il y a quelque chose de l'école Montessori qui est passé dans toutes les écoles, ou dans un très, très grand nombre d'écoles primaires. Et donc, Voilà, je pense que c'est plutôt comment ça diffuse ensuite à travers des cas extrêmement singuliers, extrêmement diversifiés, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, oui. qui semblerait être le test à opérer, même si c'est très difficile, il faudrait faire des enquêtes précises pour savoir si ça a marché ou pas. Mais je pense que c'est pas parce que ensuite, évidemment, qu'il y ait pas souvent, je dirais des écarts entre entre le rêve et la réalité, c'est absolument inévitable. Mais en même temps, l'expérience est là pour amender les rêves ou pour les modifier, pour les réorienter et pour leur donner davantage de chances d'être exaucées. Merci beaucoup, Joëlle Zask, de nous avoir parlé de John Dewey ce matin depuis Marseille. Vous étiez en liaison reportite. Alors, on peut lire de vous une introduction à John Dewey, que je recommande chaudement, qui se trouve aux éditions La Découverte. On peut lire aussi votre dernier ouvrage paru, Zoocities, des animaux sauvages dans la ville, aux éditions Premier Parallèle. On peut lire de John Dewey lui-même, Démocratie et éducation, suivi de Expérience et éducation, qu'on trouve aux éditions Armand Collin. Et je pense que tous les éléments que vous nous avez apportés ce matin donneront les armes et les outils nécessaire aux auditeurs pour pouvoir se plonger dans Dewey et voir comment tout ce que nous venons de dire est développé sous la plume de Dewey lui-même. Je vous remercie beaucoup, Joëlle Zask, et merci on beaucoup. Se quitte avec une autre chanson, Nina Simone, You've Got to Learn. You've got to learn to show a happy face, although you're full of misery. You mustn't show a trace of sadness, and never look for sympathy. You've got to learn, although it's very hard, the way of pocketing your pride. Sometimes face humiliation while you were burning up inside. Facing reality is often hard to do when it seems happiness is gone. You've got to learn to hide your tears and tell your heart life must go on. To learn to leave the table when love's no longer being served. Just show everybody that you're able to leave without saying a word. You've got to learn to hide your sorrow and go on living as before. What good is thinking of tomorrow? Who knows what it may have in store? Et je précise que cette émission, comme celle de cette semaine hein, jusqu'à vendredi, sont organisées en partenariat avec le festival Cité Philo, qui devait débuter le 5 novembre à Lille, qui a été annulé à cause du confinement évidemment, mais qui existera en partie virtuellement sur le site internet citéphilo.org. On met le lien sur le site des Chemins de la Philosophie sur France Culture. Il est 10h53, bientôt 10h54. Il est l'heure de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Vous êtes en liaison avec nous depuis chez vous et vous posez votre question du jour. Alors la question du jour, la voici. Est-ce que la sociologie serait l'avenir de la philosophie? Alors je suis tombé par hasard sur l'émission La Grande Librairie. L'invité d'honneur en était Eddy Mitchell, c'était étrange, même s'il y avait aussi un romancier. Alors à un moment, en prenant tout un tas de précautions, François Bunel pose sa grande question à Eddy Mitchell, tout en se tournant ostensiblement vers le romancier pour que celui-ci en explicite les termes, la traduise à destination du chanteur. Pardon d'employer les grands mots, mais est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas un sociologue ? Eddy Mitchell, sociologue. Alors je connais mal son œuvre, mais quelque chose m'a déstabilisé. C'est peut-être tout simplement ce mot de sociologue, ce grand mot de sociologue, car le grand mot, Pour moi, il n'y en avait qu'un seul, c'était celui de philosophe. Oui, vous voulez dire que vous mettiez le métier de philosophe au-dessus du métier de sociologue, c'est ça ? Infiniment. Alors pour le dire autrement, j'ai décidé de faire des études de philo avant même de savoir ce que c'était que la philosophie. Il m'avait suffi de voir écrit quelque part que c'était la reine des sciences pour m'y décider a priori pour la vocation de philosophe. Et pourtant, votre vocation est un peu sociologique. Bah du coup oui, un choix terriblement sociologique. J'avais connu, enfant, la joie répétée d'être le premier de la classe à la distribution des bulletins et je voulais revivre ce type de satisfaction dans le champ académique. Reste que la réduction de la philosophie à la sociologie n'a pas cessé de me hanter comme une sorte de remords. Je me revois lisant, peu après sa mort, l'esquisse pour une auto-analyse de Bourdieu. Avec angoisse. Ainsi, l'enfant chéri de la méritocratie républicaine avait bifurqué à un instant crucial de son apprentissage vers la sociologie. C'était la triste histoire de la philosophie au XXe siècle, celle d'un abandon, l'abandon d'une science périmée. Adorno, philosophe de génie, prendra par exemple la présidence de la Société allemande de sociologie après la guerre. Pas de philosophie. On savait bien de toute façon que ça s'était toujours passé comme ça. La philosophie n'avait progressé qu'en abandonnant certaines de ses branches, et pas ses branches mortes, non, ses branches les plus vivantes. Qu'est-ce qu'une science, sinon un morceau émondé de la philosophie parti trouver ailleurs des meilleures racines et méthodes, ainsi de la cosmologie, de la psychologie, de l'économie politique, etc. Il ne restait, attaché au tronc, qu'un peu de théorie de la connaissance, et c'était tout. La philosophie ramenée à son noyau épistémologique. Bah oui, c'était à ça qu'on s'était tristement habitué depuis Kant, sauf que la sociologie n'allait pas se contenter, elle, de devenir une science par elle-même, elle aurait l'insupportable prétention de revenir comme du lierre vers son ancien tronc nourricier pour lui faire abjurer toutes ses compétences propres, de prétendre devenir, à sa place, la seule théorie de la connaissance valable, pire de lui arracher son nœud cartésien, le nœud serré comme une loupe de la réflexivité. Car le sociologue, pour le dire platement, pour le dire à Eddie Mitchell, a, sur le philosophe, cette supériorité épistémologique absolue qu'il sait pourquoi il est sociologue. Et donc vous voulez dire que la sociologie serait l'avenir de la philosophie ? Alors à une objection près, une objection mystérieuse qu'Adorno a trouvée chez Benjamin, lequel, écrit-il, ne pensait nullement remplacer la réflexion sur les questions philosophiques par une interrogation de leur jeunesse sociale, mais pensée d'une portée incalculable, il a bien plutôt cherché dans le concret social le cœur même de la vérité philosophique, selon le fragment provocateur des ébauches pour les passages qui affirme que l'éternel serait plutôt la ruche d'une robe qu'une idée. C'est dans la sociologie de la mode, en apparence si superficielle, que se produirait l'accro qui permettrait soudain à une science déclinante, la philosophie, de se raccrocher in extremis. Aux branches. Merci beaucoup. Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui, cette semaine tout particulièrement, chacun confiné chez soi, propose et fournit un travail exceptionnel pour continuer à préparer ces émissions, même à distance. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Le Goff avec Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était l'unique Jean-Frédérix, à la lecture des textes, Bernard Gabet. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série en partenariat avec le festival Cité Philo autour de la transmission. Demain, on sera en compagnie du sociologue Bernard Lahire et viendra vous proposer une sociologie du premier de la classe. Vous verrez, c'est passionnant. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. On est toujours ravis de répondre à vos commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.